Bonjour à tous, c'est Jenny. Je n'ai pas réussi à être disponible pour l'enregistrement du dernier épisode de la saison d'Aïkboud avec Patra et Vicky car j'ai travaillé le 14 et 15 juillet. En ce moment, je travaille à temps à part, donc croyez-moi, c'était pas simple. Et heureusement qu'on a gagné la Coupe du Monde, au moins je n'ai pas l'impression d'avoir travaillé pour rien. Et en plus, je suis tombée malade juste après car je travaille dans un endroit avec la climatisation bref, la vie. Pour ce dernier épisode de la saison, on voulait faire quelque chose de simple, une sorte de petit challenge autour de notre playlist K-pop qui s'avère en fait plutôt difficile à faire. En plus, on a essayé de respecter quelques règles comme ne pas mettre deux fois la même chanson ou de choisir la chanson sans rapport au clip. Autant dire que je n'ai pas réussi, il faut dire que la K-pop marche vachement avec la K-pop. La K-pop marche vachement avec les clips. Et puis en plus, j'ai un mal fou à expliquer pourquoi j'aime quelque chose en général. Il y a 10 questions à ce challenge. Patra les a indiquées sur notre Twitter, iGoodFriends. Donc c'est parti. La première question, c'est: quel est votre premier coup de cœur K-pop? Donc pour moi, la réponse à cette question, c'est simple. C'est une chanson de chinois et c'est Red Angel, de l'album Perfect Man de 2002. Je pense que j'en ai parlé brièvement lors du tout premier épisode d'Aïkboud où durant ma présentation, j'expliquais un peu comment j'étais tombée dans la K-pop. Mais pour rappel, j'ai un parcours pas vraiment commun en comparaison aux fans internationaux en général, car j'ai connu la K-pop très tôt, car mon père travaillait beaucoup à l'étranger et son truc pour nous faire un peu découvrir les pays où il allait, c'était de ramener un petit quelque chose de chaque pays. Ça pouvait être un objet, des photos ou de la nourriture, etc. Mais cette fois-là, il était parti avec ma mère, car c'était un voyage plutôt court. Et pour leur retour de Corée du Sud, ils m'ont ramené un album, et c'était celui de chinois. Et c'était donc l'album Perfect Man. Autant dire que je ne comprenais rien aux paroles, mais qu'il y avait déjà ce côté addictif. Et j'ai tellement écouté l'album dans ma chambre, lorsqu'il y avait des longs trajets à faire en voiture, c'était cet album-là que le CD a fini par rayer. Et que j'étais un peu dans la galère parce que il n'y avait aucun autre endroit pour en acheter, quoi. Et ça me fait un peu rire aujourd'hui parce que comme j'ai bientôt 25 ans et que cette histoire date de quand j'avais 9 ou 10 ans, du coup ça fait bien 15 ans que j'écoute de la K-pop. Et du coup je me suis pris un peu un petit coup de vieux là en y repensant. C'est pas possible. Et en plus, je raconte même pas la difficulté de trouver les informations sur le groupe après, car l'internet de l'époque, c'était pas ça. Et tout simplement, je ne savais même pas que c'était de la K-pop tout court, quoi. Et en plus, comme aujourd'hui, chinois est toujours mon groupe favori, forcément, il fallait que je les place quelque part, un peu. Et comme c'est le groupe qui m'a vraiment fait démarrer dans la K-pop, c'était forcément eux, mon coup de cœur K-pop. Donc... La deuxième question, c'est: quelle est la chanson K-pop que vous ne supportez pas? Il y a plein de chansons que je n'aime pas, mais mon problème c'est qu'en général je ne me souviens pas du titre. J'ai pas vraiment une grande mémoire et j'ai déjà du mal à me souvenir des titres des chansons que j'aime. Alors celles que je n'aime pas, franchement c'est pas... voilà. Et de base je voulais mettre aussi comme Vicky Gangnam Style de Psy, mais bon. Comme elle en a déjà parlé, je change. Mais c'est vrai que, comme elle le dit très bien dans la partie avec Patra, que c'était hyper réducteur autour de la K-pop, et puis c'était pour moi aussi carrément hyper réducteur par rapport à sa carrière. Mais du coup, j'ai choisi la chanson que je ne supporte pas, à part celle de Gangnam Style, celle que j'ai vraiment détestée, c'est Michigo de G-Dragon. Voilà, c'est dit. Je sens les foudres s'abattre sur moi un peu. Et je déteste vraiment toutes de ces chansons. Autant dire que je peux adorer la carrière des Big Bang, notamment leur début que j'ai vraiment adoré. Et même si j'aime un peu la carrière de G-Dragon, même si c'est pas forcément mon membre parmi les membres de Big Bang, c'est pas lui. C'est pas sa carrière à lui qui me plaît le plus. Et en plus, j'ai un peu une aversion envers son fandom, car dès qu'on critique un peu sa musique, ça part un peu dans tous les sens. Mais alors, Michigo, c'est pour moi la tache noire de sa carrière. Je ne comprends vraiment pas l'engouement qu'il y a eu autour. Le clip, n'en parlons pas. Et dans le même style d'aversion, j'ai un gros problème avec la carrière solo de CL, notamment les chansons-titres. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet, mais... Donc voilà, Michigo. Donc, on passe à la troisième question. Et la troisième question, c'est quelle est la chanson K-pop qui te met de bonne humeur? Bah, décidément, je vais avoir beaucoup de points communs sur ce challenge avec Patra, mais la chanson, même si elle n'a pas donné cette chanson pour cette question-là, mais la chanson qui me met de suite de bonne humeur, c'est Roly Poly de Tiara, de 2011. Ah, Tiara, la bonne époque avant toute cette polémique désastreuse. Les reines du tube, car ce groupe avait tout pour continuer d'être au top. Malheureusement, ben, la K-pop, c'est un peu, comme disait Patra, c'est un peu impitoyable. Et en fait, parmi Tiara, c'est même difficile de choisir la chanson que j'aime le plus de ce groupe. Mais pour le côté bonne humeur, c'est définitivement Roly Poly. Et même sans le clip, cette chanson, elle est géniale. Elle me booste tellement. Le matin, quand j'ai un peu la tête encore dans les nuages pour rester poli, eh bien, c'est mon iPod, elle est branchée dessus, quoi. Alors, on va passer à la quatrième question qui est la chanson K-pop qui me fait pleurer. Alors, j'en ai plusieurs. Oui, bah, on passe de suite. J'ai plusieurs. Je respecte déjà plus les règles. C'est comme ça. Alors, la chanson qui va me faire pleurer automatiquement, ça va être Pride des Don Bon Chinky. La version du concert. Bon, Patra a un peu expliqué les problèmes de Do Banshinki qui, bah pour ceux qui connaissent pas, bah c'était de base ils sont 5. Il y a eu plein de problèmes avec SM, blablabla. Et bref, ils se sont retrouvés à deux et d'un côté il y a eu JYD. Mais, donc la chanson qui me fait pleurer, bah ça va être Pride parce que la version concert, bah c'était déjà là, ils arrivaient au moment de la carrière où, bah, ils savaient, les membres savaient qu'ils allaient se séparer, quoi. Et du coup, en fait, durant la version concert, eh bien, les membres, ils ont commencé à pleurer. Et ben, forcément, ben, moi, j'ai commencé à pleurer. Et en plus, faut savoir que, on parle maintenant, c'est plutôt courant que les groupes K-pop aillent faire une carrière au Japon. Mais à cette époque-là, les deux groupes qui ont vraiment ont eu du mal à percer au Japon, et ben c'est pas deux groupes, mais c'est BoA et Don Bon Chinky. Et en fait, ils n'étaient pas vraiment préparés, c'est-à-dire que ben, ils parlaient pas forcément la langue, etc. Et que ben, le marché japonais, et même au Japon tout court, ben, le public ne les voyait pas forcément d'un bon oeil. Et en plus, le fait qu'ils ne parlaient pas forcément la langue a fait que c'était hyper difficile pour eux et que ils n'étaient pas entraînés, entre guillemets, pour aller exploiter le marché japonais. Et du coup, à mon avis, comme c'était l'un des derniers moments à 5 et lors du concert, il y a un peu toutes les émotions qui ont, notamment, bah, franchement, moi, elle me fait pleurer. Ça leur a fait pleurer, ça m'a fait pleurer aussi. Donc, j'ai un gros pincement au cœur, même quand je l'écoute aujourd'hui. Et puis il y en a une qui me fait aussi, il y a une autre chanson qui me fait pleurer, mais c'est plus pleurer de joie, c'est pas vraiment pleurer de tristesse, mais il y a Vénus de Chinois, oui encore eux, bah que voulez-vous, qui représente le comeback du groupe sur la scène K-pop après 4 ans d'absence à cause des services militaires des membres. Autant dire que c'était un peu, c'était entre pleurer de joie, de, enfin, c'était de soulagement qu'ils arrivent à revenir un peu sur la scène parce que mine de rien, ils ont arrêté leur, bah ils ont pas vraiment arrêté leur carrière, c'est parce que maintenant on voit plein de groupes de la première génération revenir, mais Chinois c'était pas ça, ils ont pas arrêté leur carrière et attendu 10 années, 15 années pour revenir, non, lors de leur dernier concert en 2008, ils l'ont dit, c'était, je pense que c'est Eric qui l'a dit, c'est on va devoir arrêter parce qu'on ne veut pas continuer à faire des chansons sous le nom chinois alors s'il manque un membre. Et mais par contre, on promet, on va revenir. Et même si c'est compliqué de revenir, on montrera notre compagnie et on reviendra. Et bah, c'est ce qu'ils ont fait. Parce qu'il faut savoir que Chinois, maintenant on dit. Quand on regarde un peu sur les forums, les Twitter, etc., notamment dès qu'il y a un scandale avec une agence et son groupe, on dit bah prenez le chemin de Chinois. Bah les gens, les fans de K-pop en général disent ça, comme si c'était simple. Mais c'était pas simple pour eux. Et surtout à cette époque, bah finalement, Bah quand mais en 2000 après 2008, il y a eu tous les groupes que force peut-être que vous connaissez mieux qui ont percé et que vous connaissez mieux cette génération. Je pense que vous connaissez mieux la génération avec Super Junior etc. Mais du coup, c'était compliqué pour eux de revenir. Et comme il disait, si aucune agence ne veut de nous, on créera notre agence et voilà, donc forcément, bah j'ai elle m'a fait pleurer cette chanson. Bah, surtout la version du concert, parce qu'on voyait Seung pleurer, etc. Alors que c'est un peu le membre qui pleure pas, et qui montre jamais ses émotions, au contraire. Et du coup, ben, elle est particulière, cette chanson. Il y a aussi la chanson Mover du groupe G.O.D, qui fait pleurer, et je pense que ça doit être la chanson en Corée qui doit faire pleurer, qu'importe la génération, qui fait un peu pleurer tout le monde, quoi. Donc voilà. On va passer à la cinquième question qui est: quelle chanson K-pop utiliserais-tu pour convertir quelqu'un? Alors là, j'ai vraiment eu du mal à cette question car je n'aime pas vraiment convertir les gens et en plus je ne sais même pas comment le faire car je ne sais pas sur quoi me calquer. Comme est-ce que je dois me calquer sur le marché actuel de la K-pop, par exemple BTS, etc. ou les goûts de la personne. Du coup, je pense que ça dépend vraiment à quel moment on me pose cette question. Mais je pense que je choisirais Go Crazy des 2PM qui date de 2014. C'est le genre de chanson qui est hyper addictive ou une chanson de Wonder Girl. En fait, je trouve que le point fort, je pense que je choisirais une chanson qui vient de l'agence JYP. Car pour moi, en général, ils savent faire des chansons qui représentent bien la K-pop sans pour autant se calquer hyper sur le marché américain comme YG. Et par exemple, je pense aussi à la carrière de B1 par exemple. Ouais, je pense que je choisis même JYP tout court, je prendrais une chanson de lui aussi. Pour le côté un peu, si ça gêne, par exemple, une amie me demande, ben, qui n'aime pas vraiment les groupes, les boys bands ou les girls bands, bah, je pense que je donnerais plutôt un solo et je pense que je choisirais JYP ou B1. Ouais. Donc, ouais. Donc, mais je pense que j'irai quand même vers Go Crazy des 2PM. Parce qu'on les oublie un peu 2PM, mais ils sortent quand même de bonnes chansons addictives. Donc, on va passer à la sixième question. Et c'est la chanson K-pop qui te fait danser ou qui te fait sentir sexy. Bon, c'est un peu deux questions en une, mais encore une fois. Mais du coup, bah, je peux en profiter pour mettre plusieurs réponses. Vous voyez comment je triche? Donc, encore une fois, en plus, j'ai vraiment deux chansons en tête. Donc, l'une, c'est encore une fois comme Patra, elle a choisi You Go Girl de Yeri. Donc, même si c'est pas pour cette question, ben forcément on a des goûts un peu en commun. Donc c'était un peu le tube de 2008 qui représente un peu le girl power et en plus c'était hyper addictif. Et en plus à ce moment-là, moi je regardais Family Outing. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une émission avec plusieurs célébrités et ils allaient dormir pendant, je pense que c'était un week-end ou 2 jours. Non, je pense qu'il passait deux. Oui, si je me rappelle bien, c'est il passait 2 jours et une nuit dans une maison pas à Séoul ou quelque chose d'autre, non, ou ailleurs. C'était vraiment un peu dans la campagne, etc. Et en plus, je crois que c'était l'épisode avec Lee Jun-ki où elle. C'est parce que j'ai l'épisode en tête, mais je sais pas comment décrire l'image en fait. Je pense que je mettrai un lien. Je pense que ça doit être encore sous YouTube. Du coup, je mettrai un lien de l'image que j'ai en tête avec You Go Girl. Donc, ouais, You Go Girl de Lioli. Oh, sinon, il y a aussi So Hot des Wonder Girls qui est encore 2008. Faut dire que 2008, c'était vraiment la bonne année K-pop selon moi. C'est un peu des hymnes. Mais après, il y a aussi beaucoup de chansons de Bonnie Girls avec Abracadabra ou Sign, ou aussi Volume Up des 4 Minutes quand j'y pense. Ah ouais, Volume Up des 4 Minutes, c'était vraiment chouette aussi. En fait, c'est impossible de choisir hein, pour cette question. Donc, on va passer à la septième question qui est la chanson K-pop dont tu ne, que tu ne te lasseras jamais. Donc pour moi, ça va être toute la carrière de chinois, mais bon, c'est pas possible que je réponde ça. Du coup, ben, je vais choisir. En plus, j'ai l'impression que quand je cite une chanson, j'en trahis une autre, quoi. Mais je pense notamment à Miss Right et I Wanna Love de Tin Top. Non, je sais pas quoi choisir. Il y a aussi Sonny Sonny des Super Junior. Il y a toute la carrière solo de Sonny. Il y a I Eat You Up de Boa. Ah! La période DB5K avec Mirotic. Ah non! Comment je fais pour choisir? Yuki aussi! Oh, c'est dur! En plus, y a ma soeur qui me fait voir des chansons à côté de moi et du coup, bah, je sais pas quoi choisir. Oh. Y a aussi Double 501. Il y a Beast aussi. Oh, comment vous avez fait pour choisir? La chanson dont je me lasserai pas. La chanson dont je me lasserai pas. Ah, j'arrive pas à répondre là. Ah non. Bah, je pense que je vais passer direct à la 8e question parce que j'arrive vraiment pas à choisir. Il y a trop de chansons donc on peut pas se lasser. Comment choisir une? C'est comme si on me demandait de choisir entre mon père et ma mère, quoi. On exagère, mais en fait, pas vraiment. Donc la 8e question, c'est quelle est ta chanson japonaise préférée par un artiste coréen? Moi, quand on me dit chanson japonaise par un artiste coréen, je pense de suite à BoA, DBSK et KALA. Mais je pense aller pour BoA parce que je pense que beaucoup de personnes l'oublient. Et en plus, mon côté un peu anime, fan d'anime prend le dessus. Et la chanson, c'est Every Heart, Mina no Kimochi. Et en fait, c'était l'ending song et d'Inuyasha. Et je pense que même sans connaître la K-pop, etc., je pense que c'est tout le monde qui est un peu fan d'anime, etc., connaît cette chanson. Mais après, il y a aussi Forever Love, Kiss the Baby Sky ou Bolero de DBSK, qui encore une fois, bah, forcément, j'adore. Mais en général, j'aime bien que quand. J'aime pas vraiment les versions japonaises de chansons coréennes. J'aime bien quand c'est vraiment du nouveau en fait. Donc la 9e question, c'est quel est ton gimmick préféré? En plus, il y en a plein, mais je pense que je vais aller avec Reading Dong des Shiny. C'est en plus en Corée, c'est un peu la chanson qui est à chaque fois choisie par les étudiants comme la chanson à ne pas écouter lors des révisions d'un examen, etc. parce que c'est impossible de se concentrer. Mais franchement, toutes ces en fait, cette chanson, c'est même plus une chanson, c'est carrément un gimmick. Je veux dire, déjà, il y a la partie Reading, nanana, là. Et puis après, t'as Elastic, la partie avec Fantastique, So Elastic, bon bref, tous les trucs en hic là. Mais je pense que, ouais, je vais aller avec Reading Dong des Shiny. Et enfin, la dernière question qui est, quelle est ta chanson K-pop pour réussir un karaoké? Alors, j'ai eu la chance d'aller en Corée avec ma mère et ma soeur il y a quelques années, un été, et j'y étais pendant plusieurs semaines. Et du coup, j'ai fait un karaoké. Et la chanson que j'ai chantée, c'était Brand New de Chinois. Oui, encore, je crois que je les ai cités au moins 4 fois dans ce challenge. Mais bon, tant pis, hein. Et donc, j'ai chanté 5 fois, ouais, je pense de suite cette chanson. En plus, je hurle, je ne sais pas chanter. J'étais déchaînée, en plus, il faisait chaud. Bref, ouais, mais Brand New de Chinois. Et en plus, cette chanson, elle va hyper vite. Et comme je ne sais pas chanter, j'ai aucun souffle. Bref, c'était quelque chose à voir. Et en plus, je pense que je dois avoir encore les vidéos quelque part, mais bon, pour ma dignité, je ne vais pas les mettre. Et donc voilà, c'était les 10 questions de ce challenge. Et donc, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez, comme j'ai dit au tout début, retrouver les questions sur notre Twitter. à Good France. Et comme Patra a conclu la première partie avec Vicky en disant en vous remerciant, eh bien je vais faire pareil en vous disant merci d'avoir été avec nous et que c'était un vrai plaisir de faire ces émissions, même si j'étais plutôt absente en deuxième partie parce que bah, la vie quoi. C'était vraiment génial pour cette année et j'espère que ça sera tout aussi génial pour l'année prochaine. J'espère qu'on va revenir avec des sujets hyper intéressants, etc. Normalement, on conclut chaque émission avec un peu nos recommandations par rapport au mois où on se trouve, mais j'ai pas vraiment de recommandations pour l'instant pour l'été, du coup, je vais laisser comme ça. Et donc, merci à vous tous, merci Patra pour nous avoir proposé à Vicky et à moi ce projet. Merci Vicky d'être toujours présente et bah, de finalement... Bref quoi, merci quoi. Donc voilà, c'était Jenny. Au revoir à tous et à la saison prochaine.